Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi a récemment pris acte de la nouvelle composition et direction du groupe parlementaire CNL suite à la correspondance lui adressée à cet effet par le député Léopold Hakizimana, ainsi reconnu comme président entrant du groupe parlementaire de son parti. Mais 18 autres députés du CNL disent toujours reconnaître Agathon Rwasa comme le seul interlocuteur. Dans ce journal, nous revenons sur les dispositions qui posent polémique à travers la nouvelle ordonnance fixant les conditions de passage de classe, de redoublement et d'obtention des diplômes à l'enseignement post-fondamental technique. Le ministre ayant déjà ordonné de revenir à l'ancienne, Apollinaire Muzagara nous en dira plus. Et puis, vous entendrez des réfugiés congolais vivant au Burundi qui témoignent effectuer des activités d'autonomisation vu que le Haut Commissariat pour les réfugiés à diminuer l'assistance alimentaire. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi a pris acte en date du 11 juin courant la nouvelle composition et direction du groupe parlementaire CNL suite à la correspondance lui adressée à cet effet par le député Léopold Hakizimana en date du 6 mai cette année en tant que président entrant du groupe parlementaire CNL. Daniel Gérard Ndabirabe a informé l'honorable Hakizimana, dernièrement nommé dans la réunion qui a rassemblé 13 députés reconnaissant la nouvelle présidence du CNL, accompagnée par Nestor Girukwishaka, nouveau président du CNL, que le bureau de l'Assemblée nationale s'est ainsi conformé aux articles 50 et 52 du règlement d'ordre intérieur de cette institution. L'autre camp de ce même groupe parlementaire du CNL dit toujours reconnaître Agathon Rwasa comme le seul interlocuteur. Dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale le 19 juin courant, 18 députés estiment plutôt que le bureau de l'Assemblée nationale serait tombé dans le piège d'un groupe minoritaire qu'il accuse d'avoir pris des décisions en violation des lois du pays. Honorable Simon Bizimungu est l'un de ces députés signataires de la correspondance. Le seul groupe parlementaire du parti CNL qui existe à l'Assemblée nationale est un groupe parlementaire composé de 32 députés et qui est dirigé par l'honorable Agathon Rwasa, qui a été élu à 100% par les 32 députés. Le nouveau groupe parlementaire n'existe pas. Les arguments qu'on avance pour dire non à ce qu'a fait le groupe de 13 députés, c'est la loi qui nous donne cet argumentaire. Parce que la loi est claire là-dessus. Comment les groupes parlementaires fonctionnent, comment les activités du groupe parlementaire se déroulent, qui convoque la réunion du groupe parlementaire, qui organise la réunion du groupe parlementaire. Ce qui n'a pas été le cas pour les 13 députés qui ont organisé une réunion en violation de la loi. L'article 50 et 52 dont fait mention dans la correspondance du président de l'Assemblée nationale, ce sont des articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces articles sont clairs. Ce sont des articles qui montrent comment les groupes parlementaires s'organisent. Et là, c'est une organisation et un fonctionnement qui est basé sur le respect de la loi. Ce qui a été fait par les 13 députés n'a pas respecté la loi. C'est pourquoi nous disons que ça n'a rien à voir avec les articles 50 et 52 dont on a fait mention dans la correspondance du président de l'Assemblée nationale. Ce que nous demandons n'est autre que le respect de la loi. Parce que tout ce qui est en train d'être fait n'est que la violation de la loi. Ce qui est aberrant, c'est que certains organes du pays acceptent d'être induits en erreur en confirmant les activités que le groupe de 13 députés font en violation de la loi, que ce soit la loi burundaise et le règlement ou les règles du parti CNL. Éducation, à présent, l'application de l'ordonnance ministérielle du 16 juin 2023 portant à fixation des conditions de passage de classe, de redoublement et l'obtention des diplômes à l'enseignement post-fondamental technique a sensiblement augmenté l'effectif des diplômés, contrairement à la nouvelle ordonnance du 18 juin cette année qui avait déjà semé des confusions. Les diplômés sont passés du simple au double, voire plus, pour presque presque tous les établissements techniques d'Ngozi. Après beaucoup de bruit dans le milieu scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a ordonné au directeur d'école de mettre de côté la nouvelle ordonnance qui sera ainsi applicable l'année prochaine après des séances d'explication. Mais quelles sont les dispositions de ces ordonnances qui posent polémique à travers ces ordonnances? Apollinaire Mozagara. Dans cette nouvelle ordonnance ministérielle, l'article 3 stipule qu'il faut avoir au moins 60% dans tout cours technique pour ne pas le considérer comme échec, ce qui est une nouveauté car la note considérée comme échec est normalement 50% pour tout cours, ce qui a occasionné beaucoup d'échecs et conséquemment beaucoup de refus de diplôme. Dans cette même ordonnance, les articles 40 jusqu'à 44 stipulent que sont diplômés les apprenants ayant au plus 5 échecs et un pourcentage de 50% en conduite, 54% au total général, 60% en stage, 55% comme moyenne des notes des cours généraux et 45% comme moyenne des notes des cours tout court, peut avancer de classe s'il a au moins 50% dans ses cours techniques échoués et 30% dans les cours généraux échoués. Pourtant, dans l'ancienne ordonnance numéro 610/618, du 13 juin 2023, la note exigée pour le cours technique échoué est de 40% et non 50%. Ces modifications ont causé beaucoup d'échecs et pas mal d'apprenants ont raté les diplômes avec cette nouvelle ordonnance. Pourtant, l'utilisation d'ordonnances de l'an passé, après décision du ministre de tutelle, a fait que les effectifs des apprenants diplômés augmentent sensiblement. L'exemple est le lycée technique Alessandro Rossi, où 57 finalistes ont été diplômés contre 30 dans la première délibération utilisant la nouvelle ordonnance, ce qui a plu les apprenants et professeurs de ce lycée. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et en province Kayanza, l'école fondamentale Ebgari Siza, la colline Nemba de la commune Kayanza, souffre du manque d'eau potable et de l'insuffisance des latrines. Le directeur de cette école fait savoir qu'environ 1200 élèves scolarisés à cet établissement scolaire partagent 13 sanitaires seulement. Le chef collinaire de Nemba indique que l'administration collinaire compte dans un proche avenir réunir le comité de gestion de l'école pour étudier comment faire l'extension de ce bloc sanitaire. Patrick Nsengiumva. L'école fondamentale de Bwari est l'une des écoles de la commune scolaire Kayanza qui compte beaucoup d'élèves. Cet établissement scolaire souffre de pas mal de problèmes, parmi eux le manque d'eau potable, l'insuffisance des bancs pupitres où 4 élèves, voire même 5, sont obligés de suivre les apprentissages assis sur un seul banc pupitre, comme l'indique Naïman Alexis, directeur d'école. Les enseignants contactés à ce sujet nous ont fait savoir qu'ils éprouvaient d'énormes difficultés pendant les moments d'évaluation à cause de cette pléthore d'élèves dans des salles de classe. À part tous ces problèmes dont souffre l'école, s'ajoute également, d'après le directeur d'école, celui de l'insuffisance des latrines, où environ 1200 élèves partagent un bloc sanitaire de 13 latrines seulement. Le comité de gestion de l'école fondamentale Bwari se dit inquiète de cette question de l'insuffisance des latrines à cette école. Guitonzi Jean-Marie Vianney, président du comité de gestion de l'école, appelle l'administration locale à intervenir. Nimoubona Grégoire, chef collinaire à Bwari, promet que très prochainement, certaines de ces questions qui hantent l'école trouveront solution, surtout l'extension du bloc sanitaire de l'écofoboali pour prévenir les maladies liées au manque d'hygiène aux élèves les jours à venir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons réfugiés à présent. Certains Congolais vivant dans les camps de réfugiés au Burundi disent effectuer des activités d'autonomisation vu que le Haut Commissariat pour les réfugiés a diminué de moitié l'assistance alimentaire. Ces réfugiés demandent qu'ils soient associés dans des projets d'autonomisation mis en œuvre par les organisations partenaires du HCR. Dans ce volet, ils l'ont évoqué jeudi 20 juin lors de la célébration de la Journée mondiale du réfugié. Le représentant du gouvernement burundais et la représentante du HCR au Burundi ont promis de se concerter pour une solution durable. Mireille Kanyang. Une des femmes réfugiées qui exposait ses produits issus d'un projet d'autonomisation se réjouit de cette activité puisque, dit-elle, elle parvient à améliorer la ration et vêtir ses enfants grâce à l'activité exercée vu que l'assistance alimentaire a été diminuée de moitié. Lors de la célébration de la Journée mondiale du réfugié du 20 juin, le représentant des réfugiés urbains et ceux vivant dans les camps a fait savoir que les projets d'autonomisation posent problème. Troisième demande, c'est le cas de plus célèbre qui concerne la majorité des réfugiés. C'est le cas d'autonomisation qui permet aux réfugiés de prendre eux-mêmes en charge. Nous demandons au HCR de multiplier encore ses efforts pour appuyer beaucoup d'autres personnes. Les personnes autonomes en aidant le fonds de commerce. En réaction, Brigitte Mukanga Eno, représentante du HCR au Burundi, a rassuré que l'exécution des projets va être redéfinie ensemble avec les organisations chargées de l'autonomisation. Je crois qu'on va se mettre ensemble pour essayer de redéfinir un certain nombre d'approches par rapport à l'autonomisation. Le plus important, c'est que déjà de vous-même, vous êtes conscient qu'avec la réduction de l'assistance humanitaire, ça ne peut pas tenir. On ne peut pas continuer comme ça. Avec l'assistance de 50% en vivres, ça ne tient pas même 2 semaines au niveau du camp. Et qu'est-ce qui va se passer après les 2 semaines en attendant la prochaine distribution ? Théophile Ndaroufatiye, secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, a promis qu'une solution durable sera trouvée. À travers les discussions entre les parties prenantes, des solutions sont aussi possibles. Alors, on va continuer ces concertations qui certainement vont aboutir à des solutions durables. Jusqu'ici, près de 90 000 réfugiés congolais et demandeurs d'asile vivent dans les 5 camps et le site de Giharo en province Lutana. Mireille Kanyange, pour terminer cette édition, le secteur minier devrait être renforcé en vue d'en faire un secteur qui génère des revenus dans le trésor public. Cela ressort d'un atelier d'échange organisé ce vendredi par l'organisation Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités sur le processus et les priorités budgétaires pour l'exercice 2024-2025. Le directeur de la planification au sein du ministère des Finances a rappelé que ce secteur a connu des défis suite à certaines sociétés d'extraction minière qui n'ont pas respecté les conventions d'exploitation. Jean-Marie Mayong. Les participants sont revenus sur la question d'impliquer le citoyen dans la planification du budget de l'État. Certains ont soulevé des inquiétudes sur le secteur minier qui n'a pas été mentionné dans le rapport du budget de l'État exercice 2024-2025 pour montrer la somme collectée qui a entré dans la caisse de l'État. Ils ont montré que nulle part est mentionné dans les ressources prévues pour ce budget, ce secteur minier ne montrait pas le montant qui sera collecté pour appuyer le budget de l'État. D'autre part, ils ont montré que ce secteur, partout dans le pays, ont fait des exploitations minières, mais il n'y a pas de traces pour montrer ou justifier comment les minerais exploités sont vendus. Ils ont proposé que ce secteur doit être suivi afin de montrer comment le secteur minier fonctionne et que la somme collectée entre dans la caisse de l'État. Sur toutes ces inquiétudes, le directeur de la planification au ministère des Finances, Maisha Simbigura, a répondu que suite à un respect de conventions signées avec les sociétés qui exploitaient les minerais, le gouvernement a beaucoup perdu, mais pour la bonne marche, d'autres conventions ont été signées avec de nouvelles sociétés. Le directeur national de la Parsem, Faustin Dikoumana, a rassuré que, sur toutes ces inquiétudes, ils vont essayer d'en parler avec les concernés du ministère des Finances afin que, lors de la préparation du budget de l'État, il faut impliquer toutes les parties afin de le faire dans la transparence. Jean-Marie et Mayonga, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mais tout de suite, revue de la presse. Alain Désiré, Bukeneza. Vue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Des élèves lancent des pierres aux éducateurs suite au volume des échecs, titre Net Presse. Comme le décrit ce journal, c'était jeudi 20 novembre au lycée technique Christ Roi d'Omouchacha, dans la commune et province de Gitega. Il était vers 19h30 et les résultats venaient d'être disponibles sur les tableaux d'affichage où les élèves ont afflué massivement. Ils n'en croyaient pas leurs yeux car sur 345 élèves des classes terminales, 155 parmi eux ont échoué. C'est à ce moment que des personnes soupçonnées d'être des élèves ont commencé à lancer des pierres sur des murs des écoles et sur des enseignants. Les forces de l'ordre, en compagnie de l'administration et des éducateurs, sont rapidement intervenus et ont arrêté 6 élèves. Son confrère souligne que ces élèves ont été relâchés vendredi matin après avoir constaté que rien n'indiquait qu'ils étaient des auteurs de ce cafouillage. De leur côté, note toujours ce quotidien en ligne, les enseignants disent que quand bien même les élèves ont mal accueilli ces résultats, les délibérations ont eu lieu en bonne et due forme, conformément à l'ordonnance ministérielle de ce 18 juin 2024. Le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, en collaboration avec l'Union des personnes handicapées au Burundi, a organisé mercredi 19 juin 2024 un atelier de sensibilisation pour l'inclusion et la participation des personnes handicapées au prochain recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au Burundi, qui sera mené par l'Institut national de la statistique du Burundi, rapporte l'agence burundaise de presse. D'après le directeur général de cet institut, Nicolas Ndayishimiye, l'importance des données statistiques sur le handicap permet de surveiller les tendances de prévalence pour les personnes ayant des limitations dans les domaines d'action de base spécifiques, de comparer les niveaux de participation à l'emploi, à l'éducation ou à la vie familiale des personnes vivant avec handicap par rapport aux personnes non handicapées pour voir si elles ont atteint l'inclusion sociale. Revue de la presse. Bientôt du sucre dans nos tasses, s'interroge Burundi Echo en une de sa parution cette semaine. Ce journal part de l'annonce du ministre des Finances concernant la volonté du gouvernement du Burundi de détaxer le sucre. Et tout cela dans le but de faciliter la tâche à quiconque voudrait importer le sucre de l'étranger. Mais l'éditorialiste de cet hebdomadaire reste sceptique. En effet, note-t-il, dans un contexte de pénurie criante de devises, la récente détaxation du sucre ne présage pas que ce produit sera de nouveau disponible. Par ailleurs, fait encore remarquer Burundi Echo, le projet de réhabilitation et de modernisation extension de la Sosumo est tombé en disgrâce. Il visait notamment à réhabiliter les équipements de l'usine devenus obsolètes. À terme, la production annuelle du sucre devrait atteindre 35 000 tonnes. Le coût de l'investissement était estimé à plus de 132 milliards de francs burundais, souligne cet hebdomadaire socio-économique. Sapor, une boisson à haut risque, alerte le journal Iwachu, qui constate que, malgré les mesures de suspension de la vente de boissons alcoolisées à plus de 16%, Sapor, une boisson très populaire, continue d'être consommée sans modération, causant déjà des victimes. Selon des sources fiables de son confrère, la boisson a déjà fait une victime à Gatumba. Ce n'est pas seulement à Gatumba où il a déjà causé des décès, poursuit le journal Iwachu, mais aussi en province de Muramvya, où 5 personnes ont déjà trouvé la mort, d'après des sources proches de l'administration locale. Le 18 juin 2024, souligne encore Iwachu, la ministre du Commerce Marie-Chantal Nijimbere a annoncé que ce produit sera classé parmi les liqueurs, selon le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité, BBN, et que même des décisions de ne pas vendre et fabriquer de telles boissons sur le sol burundais seront prises si nécessité il y a. Mais pour l'hebdomadaire Iwachu, il est temps de lancer un SOS pour protéger la vie des citoyens qui, en ces périodes de manque crucial des produits Brarudi,